Section 23 de Le fantôme de l'opéra par Gaston Leroux. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Deuxième partie, chapitre 10, dans la chambre des supplices. Suite du récit du persan. Nous étions au centre d'une petite salle de forme parfaitement hexagonale, dont les six pans de mur étaient intérieurement garnis de glace, du haut en bas. Dans les coins, on distinguait très bien les rajoutis de glace. Les petits secteurs, destinés à tourner sur les tambours. Oui, oui, je les reconnais. Et je reconnais l'arbre de fer dans un coin, au fond de l'un de ces petits secteurs. L'arbre de fer, avec sa branche de fer, pour les pendus. J'avais saisi le bras de mon compagnon. Le vicomte de Chagny était tout frémissant, tout prêt à crier à sa fiancée le secours qu'il lui apportait. Je redoutais qu'il ne pût se contenir. Tout à coup, nous entendîmes du bruit à notre gauche. Ce fut d'abord comme une porte qui s'ouvrait et se refermait dans la pièce à côté. Puis, il y eut un sourd gémissement. Je retins plus fortement encore le bras de Monsieur de Chagny. Puis, nous entendîmes distinctement ces mots. « C'est à prendre ou à laisser ? La messe de mariage ou la messe des morts ?» Je reconnus la voix du monstre. Il y eut encore un gémissement. À la suite de quoi ? Un long silence. J'étais persuadé maintenant que le monstre ignorait notre présence en sa demeure. Car, s'il en eût été autrement, il se serait bien arrangé pour que nous ne l'entendions point. Il lui suffit pour cela de fermer hermétiquement la petite fenêtre invisible par laquelle les amateurs de supplices regardent dans la chambre des supplices. Et puis, j'étais sûr que s'il avait connu notre présence, les supplices eussent commencé tout de suite. Nous avions donc dès lors un gros avantage sur Eric. Nous étions à ses côtés et il n'en savait rien. L'important était de ne le lui point faire savoir. Et je ne redoutais rien tant que l'impulsion du vicomte de Chagny, qui voulait se ruer à travers les murs pour rejoindre Christine Dahé, dont nous croyons entendre, par intervalle, le gémissement. « La messe des morts, ce n'est point gai, » reprit la voix d'Éric. « Tandis que la messe de mariage, parlez-moi de cela, c'est magnifique. Il faut prendre une résolution et savoir ce que l'on veut. Moi, il m'est impossible de continuer à vivre comme ça, au fond de la terre, dans un trou, comme une taupe. Donjement triomphant est terminé. Maintenant, je veux vivre comme tout le monde. Je veux avoir une femme comme tout le monde, et nous irons nous promener le dimanche. J'ai inventé un masque qui me fait la figure de n'importe qui. On ne se retournera même pas. Tu seras la plus heureuse des femmes, et nous chanterons pour nous tout seuls à en mourir. Tu pleures ? Tu as peur de moi ? Je ne suis pourtant pas méchant, au fond. Aime-moi, et tu verras. Il ne m'a manqué que d'être aimé pour être bon. Si tu m'aimais, je serais doux comme un agneau, et tu ferais de moi ce que tu voudrais. Bientôt, le gémissement qui accompagnait cette sorte de litanie d'amour grandit, grandit. Je n'ai jamais rien entendu de plus désespéré. Et Monsieur de Chagny et moi reconnûmes que cette effrayante lamentation appartenait à Éric lui-même. Quant à Christine, elle devait quelque part, peut-être de l'autre côté du mur que nous avions devant nous, se tenir, muette d'horreur, n'ayant plus la force de crier, avec le monstre à ses genoux. Cette lamentation était sonore et grondante, et râlante comme la plainte d'un océan. Par trois fois, Éric sortit cette plainte du rocher de sa gorge. « Tu ne m'aimes pas ! Tu ne m'aimes pas ! Tu ne m'aimes pas !» Et puis il s'adoucit. « Pourquoi pleures-tu ? Tu sais bien que tu me fais de la peine !» Un silence. Chaque silence pour nous était un espoir. Nous nous disions « Il a peut-être quitté Christine derrière le mur !» Nous ne pensions qu'à la possibilité d'avertir Christine Dahé de notre présence, sans que le monstre se doutât de rien. Nous ne pouvions sortir maintenant de la chambre des supplices que si Christine nous en ouvrant la porte. Et c'est à cette condition première que nous pouvions lui porter secours, car nous ignorions même où la porte pouvait se trouver autour de nous. Tout à coup, le silence d'à côté fut troublé par le bruit d'une sonnerie électrique. Il y eut un bondissement de l'autre côté du mur, et la voix de tonnerre d'Éric. « On sonne ? Donnez-vous donc la peine d'entrer !» Un ricanement lugubre. « Qui est-ce qui vient encore nous déranger ? Attends-moi un peu ici. Je vais m'en aller dire à la sirène d'ouvrir. » Et des pas s'éloignèrent. Une porte se ferma. Je n'eus point le temps de songer à l'horreur nouvelle qui se préparait. J'oubliais que le monstre ne sortait que pour un crime nouveau, peut-être. Je ne compris qu'une chose. Christine, seule, était derrière le mur. Le vicomte de Chagny l'appelait déjà. « Christine ! Christine !» Du moment que nous entendions ce qui se disait dans la pièce à côté, il n'y avait aucune raison pour que mon compagnon ne fût pas entendu à son tour. Et cependant, le vicomte dut répéter plusieurs fois son appel. Enfin, une faible voix parvint jusqu'à nous. « Je rêve !» disait-elle. « Christine, Christine, c'est moi, Raoul !» Silence. « Mais répondez-moi, Christine, si vous êtes seule, au nom du ciel, répondez-moi » Alors, la voix de Christine murmura le nom de Raoul. « Oui, oui, c'est moi, ce n'est pas un rêve. Christine, ayez confiance. Nous sommes là pour vous sauver, mais pas une imprudence. Quand vous entendrez le monstre, avertissez-nous. Raoul, Raoul !» Elle se fit répéter plusieurs fois qu'elle ne rêvait pas, et que Raoul de Chagny avait pu venir jusqu'à elle, conduit par un compagnon dévoué qui connaissait le secret de la demeure d'Éric. Mais aussitôt, à la trop rapide joie que nous lui apportions, succéda une terreur plus grande. Elle voulait que Raoul s'éloignât sur le champ. Elle tremblait qu'Éric ne découvrît sa cachette, car en ce cas, il n'eut pas hésité à tuer le jeune homme. Elle nous apprit en quelques mots précipités qu'Éric était devenu tout à fait fou d'amour et qu'il était décidé à tuer tout le monde et lui-même avec le monde, si elle ne consentait pas à devenir sa femme devant le maire et le curé de la Madeleine. Il lui avait donné jusqu'au lendemain soir 11 heures pour réfléchir. C'était le dernier délai. Il lui faudra alors choisir, comme il disait, entre la messe de mariage et la messe des morts. Et Éric avait prononcé cette phrase que Christine n'avait pas tout à fait comprise. Oui ou non? Si c'est non, tout le monde est mort et enterré. Mais moi, je comprenais tout à fait cette phrase, car elle répondit d'une façon terrible à ma pensée redoutable. « Pourriez-vous nous dire où est Éric ?» demandai-je. Elle répondit qu'il devait être sorti de la demeure. « Pourriez-vous vous en assurer ?»« Non, je suis attaché. Je ne puis faire un mouvement. » En apprenant cela, M. de Chagny et moi ne pûmes retenir un cri de rage. Notre salut à tous les trois dépendait de la liberté de mouvement de la jeune fille. « Oh, la délivrer, arriver jusqu'à elle !»« Mais où êtes-vous donc ?» demanda encore Christine. « Il n'y a que deux portes dans ma chambre. La chambre Louis-Philippe, dont je vous ai parlé, Raoul, une porte par où entre et sort Éric, et une autre qu'il n'a jamais ouverte devant moi, et qu'il m'a défendu de franchir jamais, parce qu'elle est, dit-il, la plus dangereuse des portes, la porte des supplices. Christine, nous sommes derrière cette porte-là. Vous êtes dans la chambre des supplices? Oui, mais nous ne voyons pas la porte. Ah, si je pouvais seulement me traîner jusque-là, je frapperais contre la porte, et vous verriez bien l'endroit où est la porte. C'est une porte avec une serrure? Demandai-je. Oui, avec une serrure. Je pensais. Elle s'ouvre de l'autre côté avec une clé, comme toutes les portes. Mais de l'autre côté à nous, elle s'ouvre avec le ressort et le contrepoids. Et cela ne va pas être facile à découvrir. Mademoiselle, fis-je, il faut absolument que vous nous ouvriez cette porte. Mais comment? Répondit la voix éplorée de la malheureuse. Nous entendîmes un corps qui se froissait, qui essayait de toute évidence de se libérer des liens qui l'emprisonnaient. « Nous ne nous en tirerons qu'avec la ruse, dis-je. Il faut avoir la clé de cette porte. »« Je sais où elle est, » répondit Christine, qui paraissait épuisée par l'effort qu'elle venait de faire. « Mais je suis bien attachée, le misérable. » Et il y eut un sanglot. « Où est la clé ? » demandai-je en ordonnant à M. de Chagny de se taire et de me laisser conduire l'affaire, car nous n'avions pas un moment à perdre. « Dans la chambre, à côté de l'orgue, avec une autre petite clé en bronze, à laquelle il m'a défendu de toucher également. » Elles sont toutes deux dans un petit sac en cuir qu'il appelle le petit sac de la vie et de la mort. Raoul, Raoul, fuyez! Tout ici est mystérieux et terrible. Et Éric va devenir tout à fait fou. Et vous êtes dans la chambre des supplices. Allez-vous-en par où vous êtes venu. Cette chambre-là doit avoir des raisons pour s'appeler d'un nom pareil. Christine, fit le jeune homme, nous sortirons d'ici ensemble, ou nous mourrons ensemble. Il ne tient qu'à nous de sortir d'ici tous sains et saufs, soufflai-je. Mais il faut garder notre sang-froid. Pourquoi vous a-t-il attaché, mademoiselle? Vous ne pouvez pourtant pas vous sauver de chez lui, il le sait bien. J'ai voulu me tuer. Le monstre, ce soir, après m'avoir transporté ici, évanoui, à demi chloroformé, s'était absenté. Il était, paraît-il, c'est lui qui me l'a dit, allé chez son banquier. Quand il est revenu, il m'a trouvé la figure en sang. J'avais voulu me tuer. Je m'étais heurté le front contre les murs. Christine, gémit Raoul. Et il se prit à sangloter. Alors, il m'a attaché. Je n'ai le droit de mourir que demain soir, à 11 heures. Toute cette conversation à travers le mur était beaucoup plus hachée et beaucoup plus prudente que je ne pourrais en donner l'impression en la transcrivant ici. Souvent, nous nous arrêtions au milieu d'une phrase, parce qu'il nous avait semblé entendre un craquement, un pas, un remuement insolite. Elle nous disait « Non, non, ce n'est pas lui !» il est sorti, il est bien sorti. J'ai reconnu le bruit que fait, en se refermant, le mur du lac. Mademoiselle, déclarai-je, c'est le monstre lui-même qui vous a attaché. C'est lui qui vous détachera. Il ne s'agit que de jouer la comédie qu'il faut pour cela. N'oubliez pas qu'il vous aime. Malheureuse, entendîmes-nous, comment ferai-je pour l'oublier jamais? Souvenez-vous-en pour lui sourire. Suppliez-le. Dites-lui que ses liens vous blessent. Mais Christine Daae nous fit. Chut! J'entends quelque chose dans le mur du lac. C'est lui. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en! Nous ne nous en irions pas, même si nous le voulions, affirmai-je de façon à impressionner la jeune fille. Nous ne pouvons plus partir. Et nous sommes dans la chambre des supplices. Silence! Souffla encore Christine. Nous nous tûmes tous les trois. Des pas lourds se traînaient lentement derrière le mur, puis s'arrêtaient, et refaisaient à nouveau gémir le parquet. Puis il y eut un soupir formidable, suivi d'un cri d'horreur de Christine, et nous entendîmes la voix d'Éric. « Je te demande pardon de te montrer un visage pareil. Je suis dans un bel état, n'est-ce pas? C'est de la faute de l'autre. Pourquoi a-t-il sonné? Est-ce que je demande à ceux qui passent l'heure qu'il est? Il ne me demandera plus l'heure à personne. C'est de la faute de la sirène. » Encore un soupir, plus profond, plus formidable, venant du fin fond de l'abîme d'une âme. « Pourquoi as-tu crié, Christine ?»« Parce que je souffre, Éric. J'ai cru que je t'avais fait peur. Éric, desserrez mes liens. Ne suis-je pas votre prisonnière? Tu voudras encore mourir. Vous m'avez donné jusqu'à demain soir, 11 heures, Éric. » Les pas se traînent encore sur le plancher. « Après tout, puisque nous devons mourir ensemble, et que je suis aussi pressé que toi, oui, moi aussi, j'en ai assez de cette vie-là, tu comprends? Attends, ne bouge pas, je vais te délivrer. Tu n'as qu'un mot à dire, non. Et ce sera fini tout de suite, pour tout le monde. Tu as raison, tu as raison. Pourquoi attendre jusqu'à demain soir, 11 heures? Ah oui, parce que ça aurait été plus beau. J'ai toujours eu la maladie du décorum, du grandiose, c'est enfantin. Il ne faut songer qu'à soi dans la vie, à sa propre mort. Le reste est du superflu. Tu regardes comme je suis mouillée. Ah, ma chérie, c'est que j'ai eu tort de sortir. Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. À part ça, Christine, je crois bien que j'ai des hallucinations. Tu sais, celui qui sonnait tout à l'heure chez la sirène. Va t'en voir au fond du lac s'il sonne. Eh bien, il ressemblait. Là, tourne-toi. Es-tu contente? Te voilà délivrée. Mon Dieu, tes poignets, Christine. Je leur ai fait mal, dis. Cela seul mérite la mort. À propos de mort, il faut que je lui chante sa messe. En entendant ces terribles propos, je ne pus m'empêcher d'avoir un affreux pressentiment. Moi aussi, j'avais sonné une fois à la porte du monstre, et sans le savoir, certes. J'avais dû mettre en marche quelques courants avertisseurs. Et je me souvenais des deux bras, sortis des eaux noires comme de l'encre. Quel était encore le malheureux égaré sur ses rives? La présence de ce malheureux-là m'empêchait presque de me réjouir du stratagème de Christine. Et cependant, le vicomte de Chagny murmurait à mon oreille ce mot magique « délivré ». Qui donc était l'autre? Celui pour qui nous entendions en ce moment la messe des morts. Ah, le chant sublime et furieux. Toute la maison du lac en grondait. Toutes les entrailles de la terre en frissonnaient. Nous avions mis nos oreilles contre le mur de glace pour mieux entendre le jeu de Christine Daae, le jeu qu'elle jouait pour notre délivrance. Mais nous n'entendions plus rien que le jeu de la messe des morts. Cela était plutôt une messe de damnés. Cela faisait au fond de la terre une ronde de démons. Je me rappelle que le Dies Irae qui chanta nous enveloppa comme un orage. Oui, nous avions de la foudre autour de nous et des éclairs. Certes, je l'avais entendu chanter autrefois. Il allait même jusqu'à faire chanter les gueules de pierre de mes taureaux androcéphales sur les murs du palais de Mazandéran. Mais chanter comme ça, jamais, jamais. Il chantait comme le dieu du tonnerre. Tout à coup, la voix et l'orgue s'arrêtèrent, si brusquement que M. de Chagny et moi reculâmes derrière le mur, tant nous fûmes saisis. Et la voix, subitement changée, transformée, grinça distinctement toutes ses syllabes métalliques. « Qu'est-ce que tu as fait de mon sac ?» Fin de la section 23.